Street Vibes Production. Du coup, cette fois, si on essaie d'être plus chat à Bang Bang, c'est ça, les filles? Oui, je crois que c'est ce qu'il nous a demandé. Mais si, c'est ça, monsieur dit là. Elix, à Babita, Péoléola. Si ou chaud, pas fait chichi, ou ça va un mépliché. Si pas ni léché, un pété ou péqué ni coqué. Nous pour même commencer, qu'est ou j'abisais arrêté. Cocotte la jacques à tomber, pas fauve, qu'est ou fatigué. Paraît-il carréant et ou pauvre pour actionner. Yo ka dit femme ka fait chichi, mais c'est bien nom ka fait retard. Il veut en sous ses cocailles, parce qu'a pompé sa con chicha. Il veut en sous ses cocailles, il faut jeter tes cocottes là. Attends, tu penses je suis qui? Mes cheveux sont bien coupés. La locataire est venue me demander d'arrêter de crier. T'étais pas chaud, on t'a zappé. Mauvais temps, aimez les boucs qu'on zote. Sors toujours si retard, ça c'est met arrête à la. Ramène la polo, tu verras. Bien sûr qu'on montera. Ramène la polo, tu verras. Bien sûr qu'on montera. Ma fait chichi, plein de chichi. Ou toujours qu'a fait magie. Ou la cap aller en l'eau, ça femme pas un métier kiki. Ma fait chichi, plein de chichi. Ou toujours qu'a fait magie. Ou la cap aller en l'eau, ça femme pas un métier kiki. Faut assumer, bye nanana. Sous chauffer, bye nanana. Ou qui manger, bye nanana. Faut assumer, bye nanana. Sous chauffer, bye nanana. Ou qui manger, bye nanana. Et puis un peu qui m'en si bon. En vrai, les boucs qui s'y retent. Faut assumer, bye. Chauffer boy, ou que manger boy. Faut assumer boy, sous chauffer boy, ou que manger boy. Et puis si tu sais pas faire ça, poto va là-bas. Boy nanana, ou ça va vivre banana. Boy nanana, ou qu'a dit quand qu'a fait retard. Mais les nous en le vrai tout pas ça assis. Mais moi, au soir là, nous pas qu'a dormi, t'y garçon en parler bon. Boy nanana, ou ça va vivre banana. Quand t'as fait retard, mais les nous en le vrai tout pas ça assis. Mais moi, au soir là, nous pas qu'à y dormir, petit garçon en parler bas. En levrette, à quatre pattes, en missionnaire, et vous pas quoi qu'en tirer ta boy. Bah moi, c'est sans envler. Mais est-ce que vous savez sans envler? Attends, ok, c'est que vous savez. C'est sexe, sexe que nous voulons. Dis-le, c'est sexe, sexe, sexe. C'est sexe, sexe que nous aimons. Dis-le, c'est sexe, sexe, sexe. C'est sexe, sexe que nous voulons. C'est sexe. C'est que nous aimons. Pas fait chichi, plein de chichi. Ou toujours qu'a fait magie. Ou la capa